Pour plonger dans le passé de dire, on a detto. Et pour fare, c'est fatto. Alors, comment dirait-on « je l'ai fait » Comment dit-on « j'ai » Oh. Oui. Et donc, « je l'ai fait » Lo ho fatto. Lo ho fatto ou l'ho fatto. Et si vous vouliez dire « je ne l'ai pas fait » Non l'ho fatto. Non l'ho fatto, oui. Comment diriez-vous maintenant « il ne l'a pas fait » Non l'ha fatto. Non l'ha fatto, c'est ça. Comment dit-on « voir » Vedere. Vedere. Et donc, je l'ai vu, si c'est un homme que vous avez vu, se dira L'ho veduto. L'ho veduto, oui. Et avec le verbe voir, il y a deux possibilités, en fait. Vous plongez soit dans veduto, comme vous venez de le dire, soit dans visto. Visto. Vous entendrez le plus souvent « visto », mais « veduto » existe aussi. Alors, redites-moi « je l'ai vu », toujours en parlant d'un homme. Lo ho visto. Lo ho visto ou l'ho visto. En règle générale, on fait la contraction « lo » parce que c'est plus facile à dire que « lo ho » avec deux « o » à la suite. Et si c'est une femme que vous avez vue, comment direz-vous « je l'ai vue » V-U-E. La ho visto. Revenons à « detto » dont j'ai parlé en passant tout à l'heure. Comment dites-vous « il me l'a dit » Me lo ha detto. Me lo ha detto, c'est ça. Et si je parle par exemple d'une phrase et que je dis Il l'a dite. La a detta. C'est presque ça, mais il faut faire la contraction pour éviter les deux a à la suite. La a detta devient la detta. La detta. Sinon, c'est bien, vous n'avez pas oublié que la forme qui sert à plonger dans le passé peut changer de genre. Le mot phrase, frase, est un mot féminin. La frase. Donc, en français, on dit « il l'a dite » et en italien « l'ha detta ». Donc, pour en revenir à notre phrase « je l'ai vu » V-U-E, en parlant d'une femme, ça va donner « La ho vista ». C'est ça, « vista ». Mais rappelez-vous ce que je vous disais sur la contraction de « lo ho » en « lo ». C'est valable aussi pour « la ho ». Qui devient L'ho. L'ho vista. L'ho vista. Très bien. C'est le même principe pour les. Comment dites-vous Je les ai vus. V-U-S. C'est-à-dire plusieurs hommes ou un groupe d'hommes et des femmes. Les. Dans ce cas, se dit li. Et je les ai vus se dit Li ho visti. Li ho visti. Bien. Ou si ce sont des femmes que j'ai vues, V-U-E-S, on dira les. L-E. Les. Les. Les ho viste. Les ho viste. C'est ça. Les ho viste. Prenons un autre verbe maintenant. Disons écrire. Comment dit-on écrire? Scrivere. Scrivere, oui. Et quand vous sautez du plongeoir, vous sautez de scrivere dans scritto. S-C-R-I-T-O. Il y a certains verbes qu'il faut connaître par cœur si on veut plonger dans le passé. Normalement, il y a une règle de formation pour tous les verbes, c'est-à-dire parlare parlato, partire partito, sentire entendre. Sentito, vendere, venduto. Mais il y a certains verbes qui n'en font qu'à leur tête, comme vedere, che nous avons vu tout à l'heure e che donne visto, o scrivere, che donne scritto. Parlons un peu maintenant du verbe demander. Rappelez-moi comment on dit demander. Chiedere. Chiedere, oui. Si je vous dis que la forme de chiedere, qui sert à plonger dans le passé, est chiesto, C-H-I-E-S-T-O, chiesto, comment direz-vous il m'a demandé pourquoi? Mi ha chiesto perché? C'est ça. Mi ha chiesto perché. Et comment diriez-vous pourquoi ne me l'as-tu pas demandé? Perché non me lo hai chiesto? Perché non me lo hai chiesto? Bien. Avec le verbe dire, quand on plonge dans detto. Detto. D-E-T-O. Detto. Absolument. Alors, comment traduiriez-vous pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Perché non me lo hai detto? Bien. Perché non me lo hai detto? Et fare, quand on plonge dans le passé, devient fatto. Fatto. Il y a deux T. Ah oui, deux T. Fatto. F-A-T-O. Fatto. Dans ce cas, comment dit-on je l'ai fait? Oh, lo ho fatto. Lo ho fatto, oui. Ou alors, l'ho fatto. Et le contraire, je ne l'ai pas fait. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto, oui. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Si vous voyez votre interlocuteur, comment diriez-vous ça? Perché non lo ha fatto? Perché non lo ha fatto? Ou perché non l'ha fatto? Bien. Comment diriez-vous? Je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas que je devais le faire. Dites d'abord, je ne l'ai pas fait. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Parce que je ne savais pas. Perché non sapevo. Perché non sapevo. Que je devais le faire. Che dovevo farlo. Che dovevo farlo. Non l'ho fatto perché non sapevo che dovevo farlo. E je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas le faire. Comment dites-vous ça? Non l'ho fatto perché non volevo farlo. C'est tout à fait ça. Non l'ho fatto perché non volevo farlo. Avec le verbe volere au temps des longueurs. Si par contre, vous vouliez parler d'un moment précis, si vous disiez par exemple « Vous avez voulu la voir » en vous adressant à quelqu'un que vous voyez, vous diriez « Ha voluto averlo ». Voilà, « Ha voluto averlo » ou « L'ha voluto avere ».